Exercice 6, page 23. A. Une élève, l'élève. B. Une étudiante, l'étudiante. C. Une information, l'information. D. Une université, l'université.